Je viens pas faire du cinéma, mec. Non, non, c'est bon, j'ai compris, je veux plus signer moi-même. Je suis venu parler de beauté, parler de leader. Je vois la planète entière gérée par des traders. Mes fans, j'attends pas des traînes, j'essaie de rester loin des traîtres. Le jour de ma mort, j'espère que je connaîtrai l'heure. Et je me dois de faire preuve d'humanisme. Mais le monde qui m'entoure me fait bader. Je te fais part de mes doutes, de mes failles. Plus le temps pour tes débats, c'est à mon tour de m'évader. Ah. Je viens pas faire du cinéma, mec. Non, j'ai compris, c'est bon, je veux plus signer ma main. Je préfère avancer sans cash, pareil que l'avion est en crash. Mais c'est à moi que le pilote a laissé les manettes. Le blues comme au Tennessee, yo. Pareil qu'on est qu'amour, dur de capter les signaux. Tu sais, je garde le sourire et ma peine ici, je livre. Qui m'empêche de souffrir, c'est ma pénicilline. En plein kiff, cette année, je me laisse aller. Je suis dans ce putain de rap de merde, ça fait des années. Et je me dis que la route tourne même si elle est voilée. Un texte bien écrit, ça s'apprécie, c'est comme un ciel étoilé. Je suis pas médiatisé comme Ahmed Silla. Accro au rap, j'espère trouver le remède d'ici là. Et c'est vrai, parfois dans mes rimes, je mets 10 syllabes. C'est simple sur moi, ça a un effet médicinal. Y'a pas que les mecs en chien, même les riches deal de la verre. Quand j'écoute les anciens, l'impression de dire de la merde. Je suis plus un de ces moutons depuis que j'ai vu rire le loup. J'ai peur que notre progéniture devienne pire que nous. Tout est guinri, les petits frères élevés par internet. Je vais des dingueries, plus d'un qui ferait me voir internet. J'ai mal au cœur quand j'écris ces rap. L'impression d'être un personnage des misérables. Et même puissant comme Trunk, un jour tu finirais de mec. Bien sûr que j'emmerde de Trump et tous ces foutus rednecks. Moi de vrai son, je suis en quête, pas de ce que la haine anime. De plus la terre est déjà en guerre pour une question de mélanine. Pour le calme des abîmes, j'ai un petit faible. C'est dur mais bon, la vie est ainsi faite. L'argent fait pas le bonheur, c'est bien dit frère. Leur game de merde, ça m'indiffère. Pour le calme des abîmes, j'ai un petit faible. C'est dur mais bon, la vie est ainsi faite. L'argent fait pas le bonheur, c'est bien dit frère. Leur game de merde, ça m'indiffère. Pour le calme des abîmes, j'ai un petit faible. C'est dur mais bon, la vie est ainsi faite. L'argent fait pas le bonheur, c'est bien dit frère. Leur game de merde, ça m'indiffère. Pour le calme des abîmes, j'ai un petit faible. C'est dur mais bon, la vie est ainsi faite. L'argent fait pas le bonheur, c'est bien dit frère. Leur game de merde, ça m'indiffère.